salotto biro ayo ul migere biro ayo elto tiene no godilo bidole conene corre ube tampica didi aiwo belutti e mudun calabutani hi reume no ia satedi tamperegi Faga, dofto jungale, nini rabe bendo wakili. Memi nene yo, mane ya bayo. Memi nene yo, awa barie balde. On tampani bibe mon ben kumbona. Woji da gongol koe asike geya. Menem pipe mon pem mengero ya idifu Kiton anu Bari, dora bari Dora, olga mingida Walu, walu sena J'aime pas qu'on fait, j'aime pas qu'on fait pleurer maman chérie. Les mamans chérie, elles se donnent beaucoup de peine pour les enfants. Les papas chouchous, nos soins est de vous voir les rendre heureuses. mele aminga milinga mele mele futa moapa matutu o kanisere dalabaka hirde bolunda. yo debi si ta uno si ta uno fe mi no fe u luta bel no be sen de tano ke luti sa goberne ande nu e uno ye inu jemba e bata si ta uno si ta uno fe sarano dulmi mi wola ino be jaba I don't know.